Azakale, Azakale, Azakale, Azakale, Azakale, Azakale, Azakale. là. Alors, on devient tous amis, on dit rapidement. A bien, boss. A bon. Et on dit. Et on laisse les hommes. Et là, population. À ça nous plaît. Big up, femme. Mais je commence d'abord par les femmes. Ah oui. Et on tient. Bien, c'est bon. À population, big up, c'est bon. Population, big up. Mes soeurs et mes frères, sœurs, alors tout ça, on va danser comme ça. Voyez là, comme un corsage, on va corsage, comme un soutien, on va soutien, comme un tuyau de cabane, tu me laisses ça, c'est place. Ah oui, parce que ça, c'est pour moi. Et on t'a, ah oui, et il faut qu'alors, un dame de la Mayina, ma wana, surtout. Oh, on va bien mettre mon coup. Et quand il y a, hein? Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, aïe, à ma ça. C'est ça. Coulou, coulou, coulou. Ah, bon. Voilà, et tu rigoles là. Babalana. C'est pour les hommes. Ça va dans nos coulous. Et il y a un homme dans nos femmes. Alors on va danser comme ceci. Comme un pantalon. On va. Et on te voit dans nos salles. Ça n'est pas mon village. Et on te voit dans nos salles. À nous, tu ne sais pas. Moi, écarte moi de jambes. 80 cm de gars. Ah ouais.